danse, tout contre moi danse. Mais ça l'est pas la cadence. Fait couler des gouttes de sueur sur mon cœur. Danse, tout contre moi danse. Que tes jambes mouillées s'avancent. Je sens te battre la fureur de ton cœur. Belle Andalouse, fruit dangereux du sud de l'Espagne, fidèle et jalouse, fais balancer ton corps de gitane. Belle Andalouse, quand le feu dévore tes yeux d'animal, brune et jalouse, pour le chasseur la proie idéale. Danse, tout contre moi danse. Ne crains pas ce que les autres pensent. Pose ta main tout en douceur sur mon cœur. Danse, tout contre moi danse. Ne prends pas cet air d'innocence. Tu sais très bien que tout à l'heure je prendrai ton cœur. Belle Andalou, dangereux du sud de l'Espagne, fidèle et jalouse, fais balancer ton corps de gitane. Belle Andalouse, quand le feu dévore tes yeux d'animal, brune et jalouse, pour le chasseur la proie.